Mosaïque. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans cette émission Mosaïque. Au micro, Pacifique Chubahiro, Jérôme Nyonzima assure la réalisation. Le 18 juillet de chaque année, les Nations Unies l'ont déclaré Mandela Day, connu pour avoir lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, devenu président de ce pays. Plus tard, on le connaîtra au Burundi en tant que médiateur dans le conflit inter-burundais pour avoir succédé à Feu Mwalimu Julius Nyerere. Nelson Mandela fera tout pour conduire à bon port les négociations qui ont abouti à la signature de l'accord d'Arusha en 2000. Dans cet accord, les partis s'engagent à ériger toujours le dialogue comme mode de résolution de conflits politiques au Burundi. Aujourd'hui, il semble que ce dialogue est souhaité par certains politiciens, du moment que d'autres supposent que le vrai dialogue ne doit pas être celui qui se mène seulement à l'étranger, qu'il a été toujours pratiqué à l'intérieur du Burundi pour trouver des solutions aux vrais problèmes politiques. Et de nous demander quel est l'héritage de Nelson Mandela par rapport au dialogue inter-burundais. Quel est l'avenir du dialogue dans la recherche des solutions aux problèmes politiques? Que faire pour privilégier le dialogue dans la résolution des problèmes politiques au Burundi? Pour en discuter, nous sommes avec quatre invités. Honorable Léon Singendakumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebu. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous accueillons également Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti Prona, mais également porte-parole de ce parti. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Professeur Juvenal Ngogwanubusa est également président du parti MRC Lorenzangemero. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci. Nous sommes également avec Honorable Jean-Dodier Mutabazi, président du parti Radebou. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Oui, merci Pacifique pour l'invitation. Je saisis l'occasion pour vous saluer et saluer tous ceux qui sont en train de nous écouter. À l'animation de cette émission Pacifique Chubahiro, Jérôme Nyonzima assure la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui. Aimé Toussaint Mitebouti est à la technique. À vous tous qui suivez la radio Sanganiro, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Président du Radebou, quel a été l'héritage de Nelson Mandela? C'est toi qui a dirigé les négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha. Alors aujourd'hui, au lendemain du Mandela Day, ou bien de la journée internationale pour se souvenir de l'icône mondiale Mandela, qui a pu nous aider à résoudre le conflit burundais. Par Mandela, nous nous souvenons d'un homme charismatique qui a su amener la classe politique burundaise vers une solution durable. Quand on parle de Mandela, pour nous, à l'époque j'étais au Frodebu, on était les leaders du G7, en face de nous il y avait les leaders du G10, nous avons pu constater un homme qui sait saisir rapidement un conflit et pouvoir proposer des voies de solution de manière pacifique. Pour nous, par Mandela, nous nous souvenons d'un homme qui a aidé les Burundais à trouver pacifiquement une solution à leur problème. Mais également, le symbole de cette solution, solution pacifique, c'est l'accord d'Arusha qui contient des chapitres très importants pour résoudre notre problème, notamment l'origine du conflit burundais, la gouvernance économique, les questions de sécurité, ainsi que les réformes institutionnelles. En guise de précision, quand il nous a écoutés, on était entre deux blocs, le G7 qu'on disait Hutu, effectivement, et le G10, tous les leaders du G10 étaient Tutsi. Alors, sa proposition était claire. Il a dit, vous avez tous besoin de la sécurité. si une armée, si les forces de défense et de sécurité sont composées de manière paritaire, 50% Hutu et 50% Tutsi, nous pouvons être sûrs que vous ne pouvez plus vous tuer. Alors, il y en a certains parmi les Hutus qui ont dit « Non, nous sommes 85% ». Et il leur a dit « Oui, vous êtes 85%, mais pour le moment, vous n'avez presque rien à l'armée burundaise. Je vous propose d'accepter les 50% au sein des forces de défense et de sécurité. » Et les Tutsis qui disaient « Mais selon votre proposition, nous voyons que ça nous sera pratiquement difficile avec 40% dans les institutions de revenir au pouvoir. » Il a dit non, il n'y a pas moyen d'aller au pouvoir, sauf s'il faut passer par les urnes. C'est ainsi que nous sommes alors arrivés à la formule qui, jusqu'à maintenant, nous aide dans le partage du pouvoir, c'est-à-dire 60% Hutu et 40% Tutsi dans les institutions dirigeantes comme le gouvernement, l'Assemblée nationale. Mais le Sénat est composé toujours, jusqu'à aujourd'hui, 50% Hutu et 50% Tutsi comme à l'armée, ainsi que des cooptations des Batois. Donc, ça, c'est le résultat de la conception du pouvoir ou la manière de résoudre le problème burundais selon Nelson Mandela. Oui, selon Nelson Mandela, parce qu'il il avait perçu que nous tous, on avait peur que d'être tués par l'autre. Alors, il a dit, normalement, si une armée est formée de manière paritaire, toutes les communautés devraient se sentir en toute sécurité. Donc, pour moi, en résumé, l'héritage que nous retenons de Nelson Mandela, c'est la capacité de résoudre pacifiquement un conflit, pas seulement au Burundi, mais il a su le résoudre aussi dans son pays, l'Afrique. Du Sud. Léos Ngandakumana, vous venez d'entendre honorable Jean-Dieu Mutabazi qui affirme qu'il a été marqué par la façon de concevoir le choix du dialogue selon Nelson Mandela. Est-ce que pensez-vous qu'à l'heure actuelle, Nelson Mandela a marqué les esprits des politiciens burundais? Bien sûr, il y a ses qualités, il y a aussi son héritage en ce qui concerne le peuple burundais. Ses qualités, il les a décrites: un homme charismatique, un homme de poigne, un homme tolérant, un homme de compromis, mais qui était ferme. Moi, je l'ai côtoyé à plusieurs reprises, à Arusha, ici à Bujumbura, en Afrique du Sud, à Pretoria, Johannesburg, au Cape Town. J'ai constaté finalement que c'était un véritable combattant pour la liberté. C'était un homme qui place l'intérêt général au-dessus de tout. Alors pour le Burundi, notre collègue Mutabazi l'a bien dit, nous gardons de lui l'esprit de l'accord d'Arusha, un accord de compromis pour la cohabitation pacifique des Burundais, un accord de compromis pour la restauration de la paix et de la sécurité pour tous, un accord de compromis pour la démocratie et la bonne gouvernance, un accord qui consacre aussi un partage du pouvoir entre les hommes politiques, les ethnies, le genre. Bref, qui nous a amené à gérer le pays de manière inclusive, sans exclusion aucune. Parce qu'on s'était rendu compte que finalement, les tragédies que le Burundi a connues, ces tragédies cycliques, étaient essentiellement liées à l'exclusion d'une catégorie de la population. Alors, cet accord d'Arusha, comme je le disais, qui comporte quatre principes moteurs. Le premier principe moteur, c'est d'avoir examiné tous les contours du conflit burundais. Parfois, le conflit était qualifié d'un conflit ethnique. Les Tutsis pensaient, par exemple, que c'était un conflit causé par les Hutus. Les Hutus pensaient que ce sont les Tutsis qui sont à la base. D'autres pensaient que c'était l'armée. D'autres pensaient que c'était la justice. Très peu de personnes pensaient au sous-développement économique et social, à la pauvreté. Très peu. Mais en réalité, le problème se trouve là. Alors, après avoir fait tout ce contour, Nyerere et Mandela nous ont aidés à négocier un premier protocole qui peut se résumer comme suit. Aucun gouvernement du Burundi, je dis bien aucun gouvernement du Burundi, ne peut plus recréer les causes historiques du conflit burundais. On les avait identifiées. C'est identifié dans le premier protocole. Chaque gouvernement doit s'engager à ne plus commettre cela. Le deuxième protocole, comme première voie de sortie, que la démocratie et la bonne gouvernance doivent être les fondements de chaque gouvernement du Burundi. C'est écrit. Le troisième protocole, c'était on avait constaté finalement que l'armée et la gendarmerie à l'époque avaient été instrumentalisées par le parti au pouvoir, par l'ethnie Tutsi. On a dit, pas une région, du sud de Bururi, n'a dit les corps de défense et de sécurité doivent être réorganisés de manière à intégrer toutes les composantes de la société burundaise. Est-ce qu'on n'aurait pas affirmé, sans peut-être se tromper, que l'accord reflétait plus l'esprit de Nelson Mandela que l'esprit des politiciens burundais? Parce que, évidemment, vous avez dit que c'était également aussi un homme de poigne. Pour arriver là-bas, à cet esprit, c'était lui, plutôt. Parce qu'il avait été impossible au Burundi de s'entendre et aboutir à un compromis, à un accord. On avait déjà négocié combien d'accords? La convention de gouvernement, le partenariat politique intérieur, tous ces accords avaient échoué. Alors, mais grâce à sa fermeté, à sa détermination, il est parvenu quand même à nous amener à signer un accord de paix, un accord pour la paix et la réconciliation, avec un esprit de partage du pouvoir. En fait, il voulait qu'on négocie en deux phases. D'abord, cet accord d'Arusha, un accord politique, mais aussi qu'on négocie en deuxième lieu le développement social et économique du Burundi. Il avait commencé à mobiliser les bailleurs de fonds, ici, en Europe, un peu partout. Il voulait que le Burundi, après avoir installé les principes moteurs contenus dans l'accord d'Arusha, qu'on revienne aussi pour le développement économique et social du Burundi. Alors, tout ça, quand on regarde comment ça nous a aidés maintenant, la crise qui vient de secouer le Burundi a failli déraper vers, encore une fois, l'aspect ethnique. Mais comme nous avons cet accord qui est clair en cette matière, voilà, les Burundais ont résisté, la question n'a pas prise. Nous sommes là, nous continuons à lutter, nous condamnons dans l'esprit de cet accord d'Arusha. Il y en a qui pensent qu'avec le récent référendum, moi-même je pensais comme ça, mais à certains moments j'ai réfléchi, que l'accord d'Arusha était enterré. Et je me suis dit, bon, on peut l'enterrer dans les documents, hein? On peut avoir une constitution qui enterre l'accord d'Arusha, mais au niveau de l'esprit, de mon esprit, au niveau de l'esprit des Burundais, l'accord d'Arusha reste une réalité. Parce que l'accord d'Arusha, c'est quoi? Son esprit, c'est quoi? C'est la cohabitation pacifique. Les gens pensent à cette cohabitation. C'est la démocratie, la bonne gouvernance. La démocratie et la bonne gouvernance ne sont pas encore installées. Mais cet esprit est là. Chaque Burundais, comme ceux-là qui sont au pouvoir, parlent de la démocratie, parlent de la bonne gouvernance, parlent de la paix, de la sécurité pour tous, parlent des libertés pour tous, les diverses libertés, et parlent finalement du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques pour tout le monde. Ça veut dire que l'esprit reste toujours là. Il n'y a personne qui va combattre cet esprit et réussir. Justement, par rapport à cet esprit de l'accord d'Arusha, les partis signataires affirment ériger le dialogue comme un mode de résolution de conflits politiques au Burundi. Quel est l'état des lieux de ce dialogue? Nous venons de loin. Nous venons de très loin. À certains moments, la démarche de démocratiser les sociétés africaines, c'est pas seulement le Burundi, a rencontré deux obstacles. Le premier obstacle, ce sont des coups d'État. Hein? Des coups d'État parfois militaires, des coups d'État parfois constitutionnels, comme celui qu'on vient de vivre avec le référendum. Alors, le deuxième obstacle, c'est la naissance des mouvements armés. Consécutivement à cela, des mouvements armés sont nés et des mouvements antidémocratiques aussi, des organisations antidémocratiques aussi sont nées, et ça freinait et cet élan de la démocratisation des sociétés africaines, y compris la société burundaise. Alors, ça veut dire que le dialogue aujourd'hui, sa place n'est pas encore visible. Hein? Nous continuons à exiger que la résolution de nos problèmes, la résolution de nos crises, la résolution de nos conflits passe à travers le dialogue. Mais, comme la plupart des pays africains, en partant de l'Afrique du Sud jusqu'en Ouganda, hein? Sauf la Tanzanie, tous les gouvernements sont issus des mouvements politiques armés. Des fois, ils n'ont même pas eu l'occasion d'avoir des bases arrières pour être formés politiquement. Prenons le cas des mouvements politiques armés du Burundi. Ils sont nés ici, ils sont grandis ici, ils n'ont pas eu la chance, hein, d'avoir un pari politique. Vous voyez, la logique militaire continue à prédominer ici. Donc le dialogue n'est pas encore une référence pour résoudre nos problèmes. C'est l'usage de la force, et on le voit. Olivier, vous nous disiez au niveau de l'IPRONA, par rapport à l'héritage de Nelson Mandela, quel état des lieux du dialogue inter-Burundi? Avant d'aborder cette question, je voudrais d'abord rappeler les Burundais, l'opinion internationale, qu'effectivement, la journée du 18, qu'on se rappelle toujours, et ça coïncide directement avec la date de naissance de Mandela, qui est né le 18 juillet 1918. Alors Mandela, avec sa personnalité que nous côtoyons aujourd'hui, vraiment c'est une grande personnalité. Même vous voyez qu'au niveau de l'Afrique, à partir de la naissance de l'OIWA, depuis 1963, la négociation se faisait d'une autre façon. Parce que qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les négociations sous forme de la diplomatie de sommet, ou sous forme de la diplomatie de conférences ou de dialogues discrets. Mais à partir de Julius Nyerere, c'est là où on a commencé à institutionnaliser la médiation en Afrique. Bien sûr, on résolvait les conflits sous forme de 10 sommets, mais le médiateur qui est Mandela, il a vraiment montré sa capacité de remplacer valablement Julius Nyerere pour conduire les Burundi à avoir l'accord d'Arusha. Mais aussi la personnalité de Mandela, c'était une personne qui savait s'entourer des personnes capables de lui aider. Tenant compte autour de Mandela, après Julius Nyerere, bien sûr, on l'a dit avec Mutabazi qu'il a maintenu le staff de Julius Nyerere, mais lui, il a amené aussi des experts pour lui aider, effectivement, comme Julian Hattinger, expert de droit constitutionnaliste suisse, mais aussi avec le chef de la communauté catholique qui s'appelait Matteo Zuppi, avec d'autres généraux militaires. Ça lui a aidé, bien sûr, de savoir comment aider les Burundi sur toutes les questions. Alors, si je reviens à votre question, au niveau de Mandela, il a aidé les Burundi à faire un dialogue parce qu'il a écouté les Burundi suffisamment. Il n'a pas seulement écouté les responsables du pays seulement, mais il a écouté presque toutes les parties, la société civile, il a écouté toutes les couches burundaises, les prisonniers aussi. Ont été visités pas mal. C'est-à-dire, c'était une personne qui savait chercher la vérité. Et voilà, cette façon de Mandela de faire le dialogue aujourd'hui, ça doit être le pilier de tous les Burundais. C'est la raison pour laquelle le médiateur qui vient aujourd'hui, et ça lui devient un peu difficile parce que remplacer Mandela, ce n'est pas une chose facile. Et quand vous dites que M. Mukapa n'est pas à la hauteur de Mandela, je ne peux pas dire qu'ils sont les mêmes, mais aussi ça dépend des situations politiques. Mais Mandela, nous voyons qu'il est une personne qui l'a aidé au Burundi, qui savait même faire la pression sur les politiciens burundais, lors de refi, de trouver un compromis ou terrain d'entente. Il savait comment aider les Burundais à trouver des solutions. Et pour nous, au niveau du parti Prona, nous pensons que, tenant de tout ce qu'il a fait, nous pouvons quand même avoir, comme M. l'honorable Léonce a dit, de travailler en commun accord pour que, effectivement, le dialogue d'après Mandela soit plus meilleur que même avant, c'est son souhait. Par exemple, Mandela était un homme pacifique, il écoutait même les ennemis. Je le trouve dans ses citations quand il dit que pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et que cet ennemi devient votre associé. Vous voyez qu'il est dans son esprit, il n'avait pas peur d'affronter celui qui n'a pas les mêmes idéologies ou même idées. Et l'adversaire, il l'affrontait tel qu'il est pour bien sûr le cajoler et l'amener à être son ami. Alors, les Burundais, alors, au niveau de la politique actuelle, nous devons travailler dans ce sens pour voir que celui qui n'est pas dans votre ligne directrice d'idéologie n'est pas votre ennemi, mais plutôt que vous pouvez l'écouter et trouver une solution. Mais aussi Mandela, il a une autre citation qui m'a fortement impressionné, qui montre qu'il était un homme de dialogue qui ne veut pas la violence. Quand il disait que nous travaillons ensemble pour soutenir le coulage où il y a la paix, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir où règne le désespoir. Vous voyez, avec ces citations, ça montre ce qu'il est aujourd'hui. Mais aussi, Mandela, il n'a pas lutté seulement pour la politique, il a fondé des associations pour le droit de l'homme et lutter contre le sida. Il se souciait aussi de la vie de la population. Alors, au niveau du Burundi, nous devons s'inspirer toujours de cet homme qui est vraiment un homme qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud et ça réussit. Et ça se montre comment Mandela a aidé les Sud-Africains. Parce que lors de sa victoire, Mandela, il a montré aux Sud-Africains qu'il ne faut pas se venger. Parce que beaucoup de membres de l'ANC pensaient qu'il faut combattre contre tous ces blancs, mais il a montré la ligne de comment il faut vivre dans la différence. Mais aussi, ce que je peux conclure aujourd'hui sur cette question de Mandela concernant ce que nous pouvons hériter de lui, c'est que Mandela... lui, avec sa fondation aujourd'hui, qui aide la population de Sud-Africain, mais aussi la population du monde entier, il savait comment coopérer avec le monde. Vous voyez, Mandela, quand il a gagné les élections, il a fait seulement un mandat. Il n'a pas voulu continuer parce qu'il pouvait rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Lui, il a gagné les élections depuis 91, puis 95, il a quitté le pouvoir, il a donné à Thabo Mbeki et d'autres. Vous voyez qu'il a tracé la ligne de ne pas s'accrocher au pouvoir jusqu'à la mort. C'est ça ce que nous pouvons hériter de son Excellence Nelson Mandela. Président du parti MRC, professeur Juvenal Ngogwa Nubusa, pensez-vous que Nelson Mandela a pu transmettre son âme aux politiciens burundais? Merci. Vous-même, ainsi que tous mes collègues, avait opportunément rappelé que Mandela est venu remplacer Mwalimu Julius Nyerere. Je connaissais bien Mwalimu Julius Nyerere parce que moi-même j'ai été à Arusha, non pas comme représentant des familles politiques à l'époque, mais parce que à l'époque les délégations gouvernementales s'adjoignaient des personnalités du monde universitaire ou privé. Alors Mandela, Nyerere avait sûrement des qualités. La première qualité que je reconnais, c'est qu'il est démissionné du poste de président de la Tanzanie parce qu'il déclarait qu'il en avait assez de diriger un pays où on meurt de faim. Moi, je pense que c'est une grande personnalité qui a décidé ainsi. Nyerere aussi avait quelque part bien perçu la question ethnique burundaise parce qu'il a déclaré, je pense qu'il avait raison, que... le problème ethnique au Burundi était un problème de ressources. Et que si par miracle, le Burundi devenait par exemple Singapour, qu'on ne parlerait plus d'ethnie au Burundi. Je pense qu'il avait raison. Mais d'un autre côté, quelque part, les débuts de Nyerere ont été assez difficiles quant à sa manière de définir le conflit burundais. Parce qu'il a déclaré que les Tutsis avaient besoin de la sécurité et les Hutus avaient besoin de la démocratie. Ce n'est pas une analyse dichotomique que moi je fais. Je pense que tant les Hutus, les Tutsis, les Tois ont besoin et de la démocratie et de la sécurité. Alors, Mandela vient le remplacer. Naturellement, il est quelque part influencé par les idées qu'il rencontre parce que au début, lui aussi se réfère à la situation politique de son propre pays. On l'entend souvent comparer l'incomparable, sans doute, Mandela représentant des Noirs, de Klerk représentant des Blancs, comme si les Burundais étaient comme... L'Afrique du Sud, comme si au Burundi, la question était la même, que les Hutus étaient un peu les Noirs, les Tutsis un peu les Blancs. Au départ, il s'est un peu fouvoyé comme ça, mais très rapidement, il a compris la question burundaise. Pourquoi? Parce que, comme d'autres l'ont dit ici, il a consulté tous les partenaires. On le voyait rencontrer les femmes, il faut les écouter. Il y rencontrait les prisonniers, là on se l'a rappelé. Il y rencontrait les jeunes, les contemporains se souviennent de l'époque où il disait « il faut donner des bourses aux jeunes ». Je pense qu'il en promettait lui aussi. Il y rencontrait les militaires à part pour les écouter, pour se mettre, avoir une idée sur les forces en présence. Je pense que si aujourd'hui on rencontrait toutes les forces en présence, on connaîtrait plus ou moins la réalité burundaise aussi, à condition d'écouter l'armée, sachant que c'est juste pour avoir des informations et non pas pour se laisser mener par des officiers. À l'époque, c'était des colonels, aujourd'hui, c'est des généraux, car en démocratie, l'armée reste subordonnée au pouvoir civil, démocratiquement élu. Mais ce qui était extraordinaire chez Mandela également, et les autres l'ont rappelé, c'était son aura internationale, c'était sa poigne, c'était les relations qu'il avait. Lorsque l'accord d'Arusha a été signé, il a appelé toutes les sommités de son monde, dont le président des États-Unis, Bill Clinton. Donc il faut utiliser la communauté internationale pour aider un petit pays comme le nôtre. Cela manque aujourd'hui. Cela manque tellement que la région semble vouloir s'accaparer la question burundaise, alors que dans ce monde qui est planétaire, de plus en plus, on devrait pouvoir appeler tous ceux qui ont un remède pour aider le Burundi. Est-ce que Mandela nous a laissé un héritage? Je l'aurais aimé. Et ce que l'on a dit tout à l'heure sur l'esprit de dialogue qui est constitutif de toute démocratie, malheureusement, nous sommes en train de le perdre. En 1998, lorsqu'on commençait les négociations d'Arusha, malheureusement, l'histoire se répète. À cette époque, l'opposition disait « il nous faut des négociations ». Le pouvoir en place à l'époque disait « pas de négociation, nous voulons un dialogue ». Et finalement, l'accord d'Arusha a été signé à l'issue de négociations interburundaises. C'est comme ça qu'on appelait ce dialogue-là. Aujourd'hui, nous en sommes encore à discuter. S'il faut parler de dialogue, de négociation, de pourparler, l'essentiel, ce ne sont pas les mots, c'est ce qu'on met dessus. Donc, malheureusement, l'idée de dialogue commence à nous échapper après les négociations, après Mandela. Mais je pense qu'il va falloir que les Burundais commencent à comprendre que le dialogue fait partie du décor familier, non seulement en politique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on entend effectivement des gens qui se cramponnent sur le dialogue intérieur, oubliant qu'il y a des compatriotes qui sont à l'extérieur et qui devront être écoutés, je pense qu'effectivement, là, ce n'est pas respecter l'esprit Mandela. Mosaïque. Honorable Jean-Audrey Mutabazi, justement par rapport à l'accord d'Arusha, Nelson Mandela a fait que cet accord soit signé par les parties prenantes. Dans cet accord, les parties s'engagent à résoudre les conflits par le dialogue. Mais voilà aujourd'hui qu'il y a encore des problèmes politiques qui ne sont pas encore résolus et qui la communauté internationale invite les Burundais, encore une fois, à aller dialoguer. Aujourd'hui, quel est le lieu de ce dialogue inter-burundais? Après les négociations d'Arusha, je parle bien de négociations parce qu'ils ont abouti à un partage du pouvoir. Mais on devait aller aux élections en 2005. Vous vous souviendrez que la signature des accords d'Arusha s'est faite en 2000. Mais au moment où on était en négociation à Arusha, il y avait, je peux dire que nous n'étions pas au complet. Par exemple, nous, au Frodebout, on se mettait en tête que le FDD, le CNDD-FDD, était pratiquement une aile militaire du Frodebout. C'est pourquoi nous avions proposé, nous avions accepté de mettre 50% Hutu dans les institutions militaires et policières, alors que on n'avait pas la mainmise sur la rébellion. C'est ainsi que, alors, il a fallu que, après la signature des accords d'Arusha, on aille chercher ce qui n'était pas sur la table de négociation. Alors c'est ainsi que pratiquement l'accord d'Arusha était incomplet. Il a fallu des addendums, des annexes qui devaient plus tard être signées premièrement par le CNDD-FDD qui avait déjà une aile politique et une aile militaire. Alors que donc nous, on croyait que eux, c'était l'aile militaire du Frodebou, alors qu'eux avaient déjà leur aile politique. Alors, ils ont adhéré, le CNDD-FDD a adhéré aux accords d'Arusha, mais ils ont signé les accords de cesser le feu en 2003, pratiquement avec l'actuel président Nkurunziza, avec l'ancien président de la République, Ndayizeye Domitien. Cela a permis alors à faire, je dirais, les premiers mixages solides au sein des forces de défense et de sécurité. Mais entre-temps, tout le monde n'était toujours pas au complet. Alors, il a fallu alors, après 2005, quand le président Nkurunziza, le CNDD-FDD, a remporté les élections, il était de son devoir d'aller s'asseoir ensemble avec le FNL, qui était à l'époque dirigé par Agathon Rwasa, pour qu'il signe un deuxième addendum, un deuxième annexe, d'autres accords de cessez-le-feu, pour qu'on puisse avoir des accords complets. Alors, où voulez-vous en venir par rapport à l'état actuel des dialogues inter-burundais? Je vais y arriver. Donc, les accords d'Arusha que nous avions signés en 2000 n'étaient pas complets, ne pouvaient pas conduire à une paix effective sans les mouvements armés. Alors, en 2006-2007, quand le dernier mouvement, le FNL, a signé les accords et qu'ils sont venus et que leurs troupes ont été incorporées au sein des forces de défense et de sécurité, la paix était totale. Et c'est ainsi que le dialogue venait de faire un grand pas. Mais comme le dialogue inter-burundais est un mode de gestion d'un État, petit à petit, il a fallu s'asseoir ensemble. En 2010, il a fallu s'asseoir ensemble, vous vous souviendrez même de la DCI Kiwili, etc., pour qu'on puisse retrouver la paix après les élections. Voilà que même en 2015, il y a eu la problématique liée à la candidature du président Nkurunziza. Il y a ceux qui ont refusé d'aller aux élections. Il a fallu aussi s'asseoir dernièrement avant qu'on puisse aller au référendum. On était en Ngurdoto à Arusha, en Tanzanie. Le parti au pouvoir était avec presque toute la classe politique burundaise, toute l'opposition d'Assemblée Diversité. On est arrivé à discuter de beaucoup de points qui ont même été tenus en compte pour finaliser la constitution qui vient d'être votée par le peuple burundais. Donc, je peux dire que le dialogue est un processus continu, mais qui ne peut pas se substituer au peuple burundais. Donc aujourd'hui, si en 2000, on a fait un dialogue inter-burundais qui aboutissait au partage du pouvoir, c'est pourquoi je parlais de négociation, aujourd'hui, c'est un mode de gestion du pouvoir, c'est un mode de gestion politique pour essayer de trouver des solutions pacifiques. Il y a des questions aujourd'hui qui sont en suspens parce que nous évoluons vers 2020. Je pense que ça, c'est une question que vous allez devoir poser. Vous savez déjà que même que le président de la République a annoncé qu'il ne va pas se faire élire en 2020. Vous savez déjà que tous les réfugiés ne sont pas encore rentrés, ils sont en train. Il y a un processus de retour au pays. Il y a une feuille de route que nous devons élaborer ensemble. Il y a un code électoral sur lequel nous devons nous entendre avant qu'il ne passe au gouvernement puis au Parlement. Vous présentez un agenda très chargé pour le dialogue, mais et pour ceux qui pensent que le dialogue maintenant est bloqué, qu'en direz-vous? Non, le dialogue n'est pas du tout bloqué. Même ici, au Burundi, nous sommes plus de 20 formations politiques. Il y a un forum de dialogue des partis politiques. Nous nous assoyons régulièrement pour discuter de toutes ces questions. Il y a une partie de la classe politique qui ne parvient pas à prendre part à ce dialogue interne, qui voudrait qu'il y ait un autre dialogue externe. Nous, on n'est pas du tout, on n'est pas figé sur le lieu de dialogue. Il peut avoir lieu à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais personnellement, je ne vois toujours pas l'intérêt d'aller dialoguer à l'extérieur. Ce sont des coûts exorbitants qui s'accompagnent des dialogues à l'extérieur. Parce que si on doit s'asseoir avec les membres du CNARED qui souffrent aujourd'hui, qui battent de l'aile, j'aime rappeler à l'opinion que le leadership du CNARED se trouve au Burundi. Le chef de file de l'opposition au Burundi, ils sont à la misère, je l'ai déjà observé à plusieurs reprises, même dernièrement au mois de novembre quand on était à Arusha, en Gordoto. C'est leur leader. Ce que nous pouvons demander, c'est de donner toutes les assurances pour qu'ils puissent être en sécurité et s'asseoir avec nous ici au Burundi. Même si nous ne sommes pas figés, même si nous sommes invités à l'extérieur, on pourra y aller même si on ne voit pas l'opportunité de se rendre à l'extérieur. Mais le dialogue est un processus continu, mais qui ne doit pas se substituer au peuple burundais et qui ne doit pas chercher au partage du gâteau, au partage du pouvoir comme cela a été à Arusha. À Arusha, j'étais tenté de dire à Magaoula Niam, il faut un dialogue comme mode de gouvernance politique, mais sans partager le pouvoir. Honorable Léonce Ngendakouman, on venait d'écouter honorable Jean de Dieu Moutabazi qui parle que le dialogue, ça a été toujours un processus et que c'est une réalité au Burundi. Qu'est-ce que vous en dites? Il a parlé de beaucoup de choses. Moutabazi évoque beaucoup de choses à la fois. Nous sommes en train de discuter sur l'héritage de Mandela, son impact, la gestion de notre pays, sur la gestion de notre société, sur la résolution des conflits, des crises dans notre société. À travers un dialogue. À travers un dialogue. Alors, moi j'ai dit que des signes évidents montrent que les réflexes de dictature existent encore dans ce pays. Les réflexes d'exclusion existent encore dans ce pays. Et cela n'entre pas dans la logique du dialogue, de résolution pacifique, des crises, des conflits. En fait, pour bien comprendre cet héritage de Mandela, à travers l'accord d'Arusha, c'est analyser en profondeur la constitution qui en a été issue. Cette constitution consacrait un système politique inclusif. La consacrait la mise en place des institutions qui, pour fonctionner, doivent mettre en avant le dialogue. Alors, le pouvoir en place a été incapable de dialoguer avec les autres, ses partenaires. Certainement qu'il est considéré comme des ennemis. Alors que nous sommes des adversaires politiques. Un adversaire est différent d'un ennemi. C'est ainsi que ce référendum de tous les dangers qui vient d'avoir lieu a été initié pour mettre un terme à ce dialogue, à ce genre de dialogue qui était prévu dans l'accord d'Arusha. Mais j'ai dit que l'esprit reste. Mais maintenant, on voit qu'il y a des tentatives de dialogue, des semblants de dialogue, au niveau national, au niveau régional. Il y a toujours un semblant de dialogue. Mais le véritable dialogue doit se faire entre les partenaires concernés dans des cadres appropriés avec un agenda bien déterminé sur lequel on doit dialoguer. Alors, dans toute démocratie du monde, il y a toujours un gouvernement et ses alliés, il y a une opposition et ses alliés. Mais au Burundi, c'est une sorte d'anarchie. Mais si vous, par exemple, je suis tenté de dire qu'il s'exprimait au nom du gouvernement. Parce qu'il a dit, bon, ça a été le porte-parole de l'opposition intérieure. Nous étions de l'autre côté. Bon, et le gouvernement, évidemment. Mais dans un autre cadre, vous ne semblez pas charger de l'opposition. Vous ne semblez pas charger le gouvernement. Est-ce qu'au niveau de l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas de problème pour qu'il y ait un dialogue franc? Mais le premier responsable du dialogue, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement. Et regardez, effectivement, le dialogue qui vient d'avoir... Bon, je ne suis même pas sûr s'il a eu lieu à Arusha. L'échec de cette tentative de dialogue a été causé par le gouvernement du Burundi et ses alliés, qui n'ont jamais répondu favorablement au round organisé par le facilitateur. Ils n'ont jamais répondu. On dit qu'à Ngurdoto Arusha, ils étaient là. Ni le parti au pouvoir, ni le pouvoir lui-même qui en est ici, n'était pas présent devant Ngurdoto. Il n'y a pas eu de compromis parce qu'on n'a jamais eu la chance et l'occasion de nous mettre ensemble et discuter avec le média, le facilitateur. Ça n'a jamais été le cas. Donc, le dialogue aujourd'hui est en panne à cause de ces réflexes que je viens de citer, les réflexes militaires, les réflexes ethniques, bloquent ce dialogue maintenant. Et la constitution qui vient d'avoir lieu met fin au dialogue et consacre une sorte de paternalisme du parti au pouvoir. Donc, je ne parle pas du CNDD-FDD. Le parti qui sera au pouvoir prochainement aura tout dans ses mains, particulièrement le chef de l'État. Il sera le chef de l'exécutif, le chef du Parlement, le chef de l'appareil judiciaire. Tout sera concentré dans ses mains. Avec ça, le dialogue sera très difficile. Mais nous allons continuer à combattre pour que le dialogue soit la base de la résolution du conflit et des crises de notre société, pour bâtir un Burundi digne, pour bâtir un Burundi démocratique, un état de droit, si vous voulez, une société juste et équitable. Nous allons continuer à exiger un dialogue parce que dans les formes actuelles du dialogue au Burundi, les partenaires ne les voient pas très bien, l'agenda ne le voit pas très bien. Donc le dialogue est presque impossible aujourd'hui. Mais cela ne signifie pas que nous allons accepter de continuer dans cette logique militaire qui est en train d'être développée aujourd'hui. Olivier Nkurunziza, au niveau de l'IPRONA, est-ce que vous pensez que le dialogue inter-burundais est en panne, comme vient de l'affirmer Honorable Laurence? Bon, pour moi, ça sera trop dur de dire que c'est en panne. Chaque fois, il y a des complications, c'est normal, au niveau de dialogue. Il vient de le dire, Honorable Laurence, on était à Arusha en décembre. Et ça vient de passer à peu près une année, on est à peu près en août, on n'a pas encore retourné là pour conclure. Mais ce que je vois aujourd'hui, il faut toujours continuer. Ça dépend, cela a été causé par, effectivement, avec la conjoncture politique qu'a connue notre pays. Aujourd'hui, vous voyez, avec au moment où on a le gouvernement se concentrait sur les préparatifs du référendum. Exactement. Cela a empêché que nous pouvons continuer normalement. Et les partis politiques qui étaient ici au Burundi, ou même avec le ministère de l'Intérieur, demandaient au gouvernement de voir comment, bien sûr, arrêter tout processus qui peut perturber le processus de référendum. Mais au niveau du parti IPRONA, le parti IPRONA, c'est un parti qui est basé sur l'esprit de négociation, l'esprit de dialogue. Et nous pensons que nous allons bien sûr continuer pour trouver des solutions. Tenant compte de la situation actuelle, aujourd'hui nous approchons les élections de 2020. Alors qu'est-ce qu'il faut dialoguer? Parce que c'est la question la plus primordiale. Parce que souvent, on parlait du mandat du président. On a dit, le président, il a dit qu'il ne va pas se faire élire cette fois-ci. Il y avait des personnes qui parlaient encore des problèmes, bien sûr, concernant la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution a été votée. Vous voyez que, bien sûr, si l'agenda qu'on avait, dans le mois de décembre, il y a quelque chose qui a pu changer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut que les hommes politiques burundais s'asseyent ensemble pour déterminer à quoi il faut encore discuter autour de la table. Pour moi, nous approchons les élections, il faut voir comment faire feuille de route de 2020, parce qu'on doit faire les élections en 2020. Il y a bien sûr la mise en place de la CENI. On a déjà renouvelé le mandat de la CENI. Avant d'aller au référendum, on avait ajouté à la CENI 6 mois. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a encore ajouté 3 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça vraiment, il y a des questions qu'il faut quand même voir pour discuter et trouver une issue favorable pour qu'on puisse aller en élection de 2020. Et sinon, je pense que les hommes politiques burundais, ils ont à discuter aujourd'hui. Si on va mettre la CENI qui n'est pas consensuelle avec tous les partenaires politiques, vous voyez que ça sera un mauvais départ. Ça sera un mauvais départ. Pour moi, alors au niveau du parti Prona, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, bien sûr, très prochainement, se mettre ensemble. Il y a des hommes politiques qui sont ici. Il y a même ceux qui sont en dehors du pays. Mais il y a toujours les moyens de faire le dialogue entre les hommes politiques. Et ce qu'on a dit la fois passée quand on était à Arusha dans les propositions, on avait dit qu'il faut rapatrier le dialogue. On n'avait jamais dit de suspendre le dialogue. Mm-hmm. Qu'il faut rapatrier le dialogue pour que le dialogue se déroule ici au Burundi et jeter le partisan. Parce que j'étais là, je représentais le parti. Mais chaque fois le parti, on a dit ce qui est essentiel, ce n'est pas la place. Mais ce qui est essentiel, c'est l'aboutissement du dialogue. Alors au niveau du parti Prona, je pense qu'il faut aller dans l'esprit de Mandela qui effectivement essayait de trouver les issues du dialogue. Il faut aider tous les Burundais à se mettre ensemble pour que nous puissions aller dans les élections de 2020. Juvenal Ngoganobusa, comment appréciez-vous l'avenir du dialogue inter-burundais à l'heure actuelle? Bon, en écoutant M. Mutabazi, moi j'ai l'impression que quelque part, c'est un moyen de minimiser finalement l'œuvre de Mandela. Une des manières de minimiser l'accord d'Arusha, c'est de vouloir le confondre avec les différents accords de cessez-le-feu. Or, on oublie que les accords de cessez-le-feu englobent l'accord d'Arusha, c'est-à-dire ceux qui ont signé ces accords, ont également adhéré à l'accord d'Arusha. Donc il n'y a pas l'accord d'Arusha et les accords de cessez-le-feu. Une autre manière de minimiser l'héritage de Mandela, c'est de penser qu'il n'y a plus de problème, de cacher la vérité aux Burundais. Car il a l'air de dire: tout va bien, Madame la Marquise, il y a le forum des partis qui fonctionne, tout va très bien, on peut bien nous rencontrer ici au Burundi. Mais on oublie qu'il y a des politiciens burundais qui sont à l'exil. Exactement comme à l'époque où le parti au pouvoir était en exil, il y a eu des négociations pour qu'ils puissent rentrer en toute sécurité et avec les moyens de survivre. Il faut bien qu'ils imaginent que ces réfugiés d'aujourd'hui sont aussi des Burundais, des êtres humains comme eux. Une autre manière de considérer l'héritage Mandela comme du menu frétin, c'est cette considération des négociations. Il a prononcé un mot que nous ne prononçons jamais au MRC Lenzangemero, à Magaburanyama. Nous sommes des politiciens. Nous ne sommes pas des bouchers. Quand on parle de Magaburanyama au Burundi, on se moque finalement de notre population. Non, la négociation, c'est une pratique permanente. Et contrairement à ce que l'on peut penser, le mot négocier, c'est un mot français ordinaire. On négocie un contrat de travail. On négocie avec son enfant pour savoir s'il va dormir un peu plus tard, puisque le lendemain, c'est un jour de congé. On négocie même un virage quand on est un chauffeur. Je ne vois vraiment pas comment le mot « négocier » fait peur chez certains politiciens burundais. Et surtout, comment ils en ont fait un problème de partage de responsabilité. D'abord, il n'y a aucune honte à parler de partage de responsabilité. La Déclaration universelle des droits de l'homme est claire et sans équivoque. Tout citoyen a le droit de revendiquer, d'avoir des responsabilités pour diriger sa patrie. C'est un droit de l'homme. Donc, lorsqu'on parle de partage de pouvoir, c'est à ça d'ailleurs que l'accord d'Arusha était arrivé. Il n'y a aucune honte à en parler, parce que c'est notre Burundi commun. Il ne faut pas qu'il y ait honte à en parler. Alors, négocier, ça fait partie de la vie de toute société. Il ne faut donc pas que les gens se braquent pour ce mot, accepter à la limite le mot dialogue. La négociation fait partie de l'homo politicus que nous sommes. Alors, une autre manière de prendre Mandela pour, comme s'il n'avait rien fait, c'est justement de vouloir aller plus vite que la musique. Mais là, les gens sont en train de dire « Oui, oui, allons-y, les élections 2020, il faut absolument organiser les élections, il faut signer je ne sais quel document qui sera immédiatement bafoué. » Non, il faut plutôt un climat qui permette qu'on puisse faire des élections crédibles. Comment ? On ne peut pas considérer que la situation est normale au Burundi lorsque vous avez un demi-million de Burundais à l'étranger, par exemple. Il faut, pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des électeurs et des candidats. Et si vous laissez vraiment la crème de l'opposition à l'extérieur, des gens qui sont les électeurs qui sont à l'extérieur, qui croupissent dans la misère, et on va organiser des élections, avec qui ? Il y a des gens qui risquent de ne pas avoir droit à d'élire, comme le prévoit la Constitution. Mais tant que vous avez la parole, justement, que faire pour que ce dialogue puisse être la clé vers des solutions aux problèmes politiques actuels ? La solution est claire, il faut que d'abord ce dialogue soit inclusif. Ce serait vraiment se leurrer de croire qu'un dialogue qui se déroule sous la houlette du CNDI va rassurer tout le monde. C'est la raison qui avait fait que la négociation d'Arusha a eu lieu à Arusha. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des politiciens qui ne pouvaient pas rentrer. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut absolument que le dialogue extérieur se poursuive et qu'on rassure tous les partenaires. Quand les partenaires seront rassurés et qu'ils seront rentrés, là, effectivement, nous allons nous mettre ensemble et organiser ensemble les élections, signer tous les documents qu'il a évoqués. Honorable Léon Senghenda Koman, que faire pour que le dialogue soit la clé vers des solutions aux problèmes politiques burundais? En écoutant certains de mes collègues, je risque de conclure qu'il y a eu confusion entre les objectifs du dialogue prévu dans l'accord d'Arusha et la recherche de partage d'un simple pouvoir. Je comprends d'ailleurs pourquoi parfois on confond l'accord d'Arusha et les équilibres ethniques, 60%, 40%, qui ne nous servent même pas à stabiliser le pays aujourd'hui. Au prochain débat, je vais ramener la question. Décode. Alors, Mandela nous a donné les bases, les fondements d'un dialogue que vous voyez dans l'esprit de l'accord d'Arusha. Ça veut dire que le premier fondement, c'est la paix et la sécurité pour tous. Quand il n'y a pas de paix et de sécurité dans un pays, le dialogue ne va pas. Le deuxième pilier, c'est la démocratie et la bonne gouvernance dans le pays. Maintenant, les règles du jeu de la démocratie sont bafouées ici. La justice est pour tous. Ça n'existe plus. L'unité et la cohésion du peuple burundais, on voit que c'est vraiment remis en cause. On le voit. C'est très clair. Et tous ces fondements-là, s'ils ne sont pas consolidés, le dialogue restera toujours difficile. Et je vais vous dire le véritable objectif du dialogue, ce ne sont pas les élections. Si on les prononce, ce sont les élections. Nous visons trois choses au front des bouts. Nous visons d'abord la stabilité du pays. Avant d'aller aux élections, comme le disait le professeur, il faut quand même avoir un pays stable et pour pouvoir dialoguer. Deux, nous sommes confrontés à des problèmes énormes de la population. Les gens pensent aux élections parce qu'ils vont avoir un poste ou quelque chose comme ça. Mais la pauvreté qui se trouve dans ce pays, la misère, le chômage, la faim, la maladie. Il faut d'abord, dans ce dialogue, il faut d'abord viser cela. Il a parlé des réfugiés, je peux ajouter les prisonniers qui croupissent là. Il y a un peu partout dans les prisons du Burundi. Il faut d'abord viser à résoudre ces problèmes et créer un environnement propice à ces négociations dont vous parlez. Sinon, on aura toujours des négociations comme ça, qui n'amènent rien. Et comme le pouvoir le dit, qui se soit toujours à la base des conflits, des guerres. Alors, pour que le dialogue se consolide, il faut restaurer l'accord d'Arusha et la Constitution qui en était ici. Ni moins ni plus. Il faut nous battre pour restaurer l'accord d'Arusha et la constitution qui en est ici en 2005. Sinon, avec cette constitution qui consacre l'impunité, qui consacre l'exclusion, et qui consacre les règlements de compte avec certains groupes ou certains individus, il ne sera pas possible d'asseoir un véritable dialogue. Avec cette confusion où on a beaucoup de partis politiques, certains créés par le pouvoir pour semer de la confusion, il n'y aura pas de dialogue. Le dialogue doit avoir sur l'agenda bien déterminé et entre les acteurs, les partenaires bien identifiés. Alors, je l'ai dit, dans toutes les démocraties du monde, le dialogue se fait d'abord entre le gouvernement et son opposition, ensuite dans la gestion du pays. Quand vous voulez, par exemple, opérer une réforme au sein de l'armée, il faut négocier avec les professionnels de l'armée. Il faut dialoguer avec les professionnels de l'armée. Quand vous voulez opérer une réforme politique, il faut discuter avec les partis politiques, les hommes politiques. Quand vous voulez une réforme sociale, par exemple, au niveau de l'éducation, il faut discuter avec les professionnels de l'éducation. Comme ça dans tous les secteurs. Ça veut dire que le dialogue est permanent. Ce n'est pas un dialogue pour les élections, monsieur Olivier. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va d'abord négocier pour... Comme il a dit, il faut d'abord retourner à Arusha, conclure un accord, créer un environnement et évoluer vers des élections qui mettent en place des institutions qui vont gérer au Burundi dans le cadre de négociations, de dialogue. Honorable Mutabazi, par rapport à l'état des lieux du dialogue inter-burundais, par rapport à votre façon d'envisager ce dialogue, comment le dialogue inter-burundais pourrait-il contribuer à trouver des solutions aux problèmes politiques qui s'opposent aujourd'hui? Vous savez, Pacifique, l'exercice de s'asseoir ensemble, c'est un exercice qui n'est pas tout le temps accepté par tout le monde. Il faut que les gens apprennent à s'asseoir ensemble. Les Burundais, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes obligations, nous avons les mêmes devoirs. Deuxièmement, il faut savoir se mettre dans la peau de l'autre. Et si on se met dans la peau de l'autre, on peut alors comprendre ses inquiétudes. C'est pourquoi, si on s'assoit ensemble, si on s'écoute mutuellement, si on fait un effort pour s'entendre et entendre les préoccupations de l'autre, comme on dit l'équivalent de en kirundais de iwiriseru seniwalichise isuka, bien exposer son problème, c'est déjà trouver la moitié d'une solution. Alors si on s'assoit ensemble et que chacun sort ses préoccupations, ça sera déjà une bonne voie pour trouver une solution pacifique. Parce que aujourd'hui, nous constatons qu'il y a toujours une certaine diabolisation mutuelle. Nous avons toujours des gens, des réfugiés qui sont à l'extérieur. Comment est-ce que ces réfugiés peuvent-ils rentrer en toute quiétude si on ne s'assoit pas ensemble, particulièrement avec les leaders, et qu'on puisse s'entendre comment se donner mutuellement les assurances? Donc, s'asseoir ensemble, s'écouter mutuellement, se mettre dans la peau de l'autre, cela va contribuer énormément à trouver les solutions. Parce que vous savez que dans l'histoire de ce pays, les élections se sont toujours accompagnées de la violence. Et cela est visible. C'est pourquoi nous continuons à espérer. Nous devons tout mettre en œuvre pour que 2020 puisse s'opérer calmement et paisiblement avec tout le monde, avec la totalité de la classe politique, sans exclure personne, sans que personne se sente exclu, envie de bâtir notre nation ensemble pour que chacun puisse apporter sa pierre dans l'édification de notre nation, dans l'édification de la paix dans notre pays. Olivier Nkurunziza, au niveau de l'IPRONA, comment faire pour que le dialogue puisse aider à la résolution des problèmes politiques ici au Burundi? Pour moi, avant de répondre à cette question, je dois d'abord revenir sur ce que nos chers collègues ont évoqué ici. Au niveau du parti IPRONA, ce que nous demandons, c'est d'être réaliste. C'est le réalisme. Quand j'évoque qu'il faut discuter sur... les démarches qui vont nous mener vers les élections de 2020 et que M. Léonce et mon cher ici nient ça en toute pièce, vous voyez que nous allons où. D'abord, j'ai évoqué qu'on a, quand nous étions à Arusha, constatant sur le document qu'ils ont écrit eux-mêmes, on demandait le gouvernement de transition. On demandait effectivement les questions de mandat, mais j'ai dit, cette fois-ci, ces questions ne sont plus là. Nous devons avoir comment évoluer vers, bien sûr, ces questions qu'on est en train d'évoquer. Moi, je suis le partisan de la justice. Il faut discuter sur la justice, sur la stabilité de la démocratie, la stabilité contre la pauvreté. Mais quand on est à Arusha, chaque fois, on évoquait le mandat de Pierre Nkurunziza, on évoquait toutes ces questions. Je disais que cela ne va pas nous mener nulle part. Alors, pour moi, aujourd'hui, nous allons bien sûr discuter tout cela, mais il faut aussi pas songer aux élections. C'est une période qui est là. De toutes les façons, le Burundi ne sera pas ingouvernable. Nous devons songer à des responsables qui doivent nous mener vers la stabilité de notre pays. Et c'est cela. Moi, je pense qu'il faut bien sûr essayer de créer un climat qui va quand même rapatrier les responsables politiques qui sont en dehors du pays. Et bien sûr, je ne suis pas le gouvernement. Toujours quand on parle qu'il y a des responsables qui ont commis du forfait, qui sont en dehors du pays, pour moi, au niveau du parti Prona, nous sommes partisans de la justice. Ce que nous disons, il faut que la justice travaille très rapidement pour blanchir ceux qui ne sont pas concernés par ces forfaits, mais plutôt punir les personnes qui sont concernées par cela. Alors, au niveau du parti Prona, alors il faut créer un climat qui va aider de cheminer vers les élections de 2020. Sinon, dire que dans l'accord d'Arusha, 60% n'est pas très important, que 40%, monsieur Léonce, je pense que c'est vraiment la base. Il promet de relancer le débat. Oui, il va relancer, mais il ne faut pas nier ça, que c'est la base. Donc quoi? Vous-même, vous avez dit que dans l'esprit des Burundis, avec la négociation de l'accord, qui est vraiment la base fondamentale de tout cela, il faut, les 40-60, 50-50 ont aidé, ce genre de quotas ethniques ont aidé les Burundis à avoir cette stabilité que nous avons aujourd'hui. Et vraiment, dans l'esprit du parti Iprona, je pense que c'est le fondement de tout cela. Il faut maintenir ça. Je trouve que le débat est intéressant et que seulement le temps nous talonne. C'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous discutions autour de l'héritage de Nelson Mandela, ancien médiateur au conflit inter-burundais, mais également sur l'avenir du dialogue inter-burundais. Nous remercions nos quatre invités, honorable Eonsengenda Kumana, vice-président du parti Savonia Frodebou. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Je dois dire que je viens de comprendre qu'il y a confusion entre le dialogue pour résoudre une crise ponctuelle, temporaire, et un dialogue institutionnel pour gérer la nation. Alors, moi personnellement, je me mets dans la peau de Mandela qui disait que dans un combat pour la liberté, il disait, je cite, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors moi, je vais continuer à marcher sur ce principe. Ça pourra faire jusqu'à objet dans notre jusqu'à la ça pourra faire objet dans notre débat, honorable Léonce. Je remercie également Olivier Mounouziza, secrétaire général du parti Prona, également porte-parole de ce même parti. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. Et je pense que la négociation ne va pas se bloquer ou le dialogue inter-burundais, c'est ce qu'ils veulent entendre. Pour nous, l'essentiel, c'est de trouver un climat d'entente pour vivre en paix dans notre pays. Sur plateau, nous remercions également le président du parti, MRC Lorenza Gemero, professeur Juvenal Ngobanubusa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Je pense que lorsque Mutabazi dit qu'il faut se mettre dans la peau de l'autre, il faut effectivement se mettre dans la peau de ce Munyagewi croupi dans la misère, qui paye de l'argent pour des élections, qui ne peut pas se nourrir, se loger parce que la coopération a été bloquée, et après on ira aux élections. Nous remercions également honorable Jean-Didier Mutabazi, président du parti Irademu. Oui, merci Pacifique pour l'invitation. L'émission Mosaïque d'aujourd'hui, animation, vous étiez avec moi Pacifique Chubahiro. Jérôme Niozima a assuré la réalisation. Aimé Toussaint Mitewoti était à la technique. À vous tous qui étiez à l'écoute de la radio Isanganiro, nous vous souhaitons de poursuivre une bonne écoute de nos émissions. Mosaïque.